propaganda. Fuel the war, feed the hate. Fuel the war, I won't fight, no consumer war. I'm a child at war, I'm your son at war, I'm the pawn at war, product of war. Between two sides, now I walk amongst the men. All white demons in my head, in my head, in my head. We kill for fun. By the blood, I feel the war. By the blood, I feel the war. By the blood, I feel the war. By the blood, I feel the war. By the blood, I feel the war. By the blood, I feel the war. By the blood, I feel the war. Nirvana. zaczania. Ziemię do dybli, ułeki w kaszli. Ciekawe z dnia pora, bo się nie czuj. Jaki moria, puszę wywalu. Obo z delu, zadajta walu. Ziemię do dybli, ułeki z kaszli. Ciekawe z dnia pora, bo się nie czuj. Jaki moria, puszę wywalu. Obo z delu, zadajta walu. Oh! Somehow, you gotta get yourself up off the ground. si jamais loin. Tu te plais à ne pas plaire, la laideur c'est ton affaire. Tu es plus qu'atteint que celle qui s'embelle, celle tu viens contre toi, qui t'entraîne en te noyant. Tu ravives ma douleur, tu apaises mes ardeurs. Tu ravives ma douleur, tu apaises mes ardeurs. Avec toi le périn, c'est le chagrin du matin. Avec toi être femelle, c'est être femme fidèle. Il n'y a que six pieds sur terre, qu'enfin tu saurais me plaire. En as-tu une vie à faire, la tienne est mieux en enfer. Tu ravives ma douleur, tu apaises mes ardeurs. Tu ravives ma douleur, tu apaises mes ardeurs. Tu les gantes.

path with not a pain. We can't continue singing, now I gotta feel alive. Forgetting all my losses, testing everything again. Best thing I learned, life is not a game. Looking for me, everyone's looking to me. Of atrocities, murders, regimes dedicating to killing us, tyranny and terror, slaughtered thousands, weapons of mass destruction, weapon programs, the deadliest of weapons, terrible weapons, nuclear weapons. When the oceans die, and as the rain destroys the crop, we'll find some high-end expert who'll claim it's really not. We ride the laws of physics as we rewrote history. Until we made our fiction into your reality. We are your government, and we kill. Para que el momento te pueda hacer.